il dit la princesse le croupier. Pour lui, bien qu'il se prétende le saut, et qu'une seule dire sur du papier. Ça, mes enfants, ça, mes enfants, c'est de l'histoire. Des princesses dans les soldats, les soldats, les soldats. Sans hésiter, sans hésiter, trois petits grands. Car c'est dans tout, car c'est dans tout. Tous les almanachs, tous les almanachs. Regardez, regardez, dans les fichu métier. Grâce à l'amour de la princesse, grâce au courage du petit troupier, il arrive qu'on leur vieillesse, ils régnèrent sur le monde entier. Ça, mes enfants, c'est de l'histoire. Les princesses épousent les soldats, les soldats, les soldats, sans hésiter, sans hésiter, sans petit grade. Car c'est dans tout, car c'est dans tout. Tous les almanachs, tous les almanachs. On fait l'appel, entendez-vous? Morbleu, dépêchons-nous! Oh, ils sont gentils tout pleins, et pas effrayants du tout. Alors vous voilà complètement rassurée, mademoiselle. Complètement. Et tenez, il me semble que si j'avais été homme, j'aurais voulu être soldat. Vraiment? Mais on vous attend. Au revoir, mon lieutenant. Décidément, elle est adorable, cette jeune fille.